Fréquence Club, 7h-9h, le son qui vous va bien. RPL Radio, en DAB+, et sur 99FM. Et maintenant, en platine, papa. Comme maman. Hello, hello, la planète RPL. Bonjour chères auditrices et chers auditeurs, c'est Kimbo de Fréquence Club, votre after vitaminé du samedi matin, de 7h à 9h, le son qui vous va bien sur votre radio RPL, en écoute sur le 99FM dans la grande métropole lilloise, via le DAB+, c'est la radio numérique, ou encore via les applis ou l'adresse du site de la radio, je vous la donne, c'est le www.rpl.radio, c'est en écoute directe. Auparavant, c'était Tonton J, son émission Back to the House, il reviendra samedi prochain. Nous sommes partis pour 2 heures de musique électronique. On va plutôt être dans une ambiance tech house ce matin. Donc si t'es au boulot, on te souhaite bon courage. Et si t'es dans ton lit, move ton body. Allez, on continue ton week-end électronique.

Radio. Samedi matin. Thank you. vous aime sur les ondes d'RPL. les replays sur le www.fréquenceclub.com. Sur RPL, c'est la base, mec. Okay. La première heure de Fréquence Club s'achève. Vous retrouverez le podcast du mix sur le site de la radio. Je vous donne l'adresse, le www.rpl.radio. Restez calés, on va enchaîner avec une deuxième heure. Vous n'allez plus jamais écouter la radio comme avant. RPL Radio est en DAB+, 24 heures sur 24.